Un jour, quelqu'un me pose la question suivante. Je pensais à ce pourquoi nous étions sur la Terre. Quand je regarde derrière moi, je ne vois qu'échec. Ma question est la suivante. Est-ce que ma vie plaît au Seigneur quand même? Je suis très inquiète à ce propos. Je lui ai fait la réponse suivante. Les échecs sont le but même de la vie. Si tu en as eu beaucoup, alors ta vie est une grande réussite. Il est écrit, misérable que je suis, qui me délivrera? Grâce soit rendue à Dieu. Romains 7, 24-25. La réalisation de notre misère et les échecs sont donc sur le chemin même de la grâce de Dieu. Quand nous ne trouvons plus d'appui en nous-mêmes, celle de Dieu s'offre à nous. Notre rôle est simplement de garder la foi. Les échecs sont des expériences précieuses. Par eux, la chair est crucifiée. La tristesse nous fait vivre dans la nuit. Douloureuse d'abord, elle débouche sur une joie spirituelle inaltérable. Ainsi, la tristesse agit en nous et la joie agit en nous. Les pieds sur la terre, mais l'esprit dans le ciel. Le casque du salut nous prévient contre toutes les blessures morales à long terme. Les blessures à l'âme embellissent le cœur. Il faut rester calme et pratiquer l'esprit d'abandon et le lâcher prise à propos du passé. Le passé prend soin de lui-même. Laissons simplement les circonstances rouler sur vous comme les vagues roulent sur le sable. Dieu est le potier, nous sommes l'argile de Dieu. Il appelle les tempêtes et il calme les tempêtes. Tout vient de lui. Souvent, Dieu ne nous aide pas dans les épreuves. Il nous regarde simplement faire nos muscles spirituels. Psaume 18, 34. Il exerce mes mains au combat. Avez-vous déjà vu les choses sous cet angle? De toute façon, à notre mort, nous perdrons tout ce à quoi nous sommes présentement attachés sur la terre. Alors, essuyer des pertes maintenant ou plus tard n'a pas vraiment d'importance. La vie n'est qu'une longue perte. Mais les pertes sont le chemin de la sainteté et de la vraie spiritualité. Jésus a dit, « Celui qui perdra sa vie la sauvera. » La perfection évangélique, mes amis, c'est le renoncement universel à tout dans ce monde. Christ ne possédait que sa tunique. Il avait renoncé ou perdu pratiquement tout le reste. Nous pouvons être appelés à renoncer à tout volontairement ou être appelés à nous les faire enlever involontairement, peu importe. L'important, c'est la ressemblance au Christ. S'il ne vous reste que votre chemise sur votre dos, eh bien, vous ressemblez déjà au Christ. Les pertes en cette vie n'ont d'autre but que de nous faire entrer dans la perfection chrétienne. Le cardinal Richaud a écrit « Le Seigneur veut que la période de votre déclin soit en réalité une ascension spirituelle et morale. » Fin de citation. La seule chose que le chrétien ne doit pas perdre en cette vie, c'est sa saveur. Si tu as tout perdu, mais que tu n'as pas perdu ta saveur spirituelle, alors tu n'as rien perdu du tout. Tu as tout gagné au contraire. Quelqu'un a dit, « Cette perte, c'est ton salut, et cette mort, c'est ta vie. » Comprenons que sans la croix, l'Esprit-Saint n'a aucun pouvoir. Toutes les mises à mort sont des grâces méconnues. Dieu mortifie notre chair pour que nous participions à sa beauté. Frères et sœurs, je vous dis une autre parole dure à entendre. Toutes les pertes sont de bonnes pertes, même la perte de la santé. Le chrétien est mené à l'hôpital comme l'agneau était anciennement amené à l'autel. Le rôle de la vie est de briser les rêves et forcer nos yeux à regarder en haut. Et de faire de nous des créatures du ciel. La vie présente n'est qu'une préparation à celle qui vient. Dieu a créé les vagues et il a créé le rocher qui les brise. Dieu a créé le bois et il a créé le feu pour le dévorer. Quand nos rêves se brisent sur les rochers, dites avec le Seigneur, « Maintenant mon âme est troublée et que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. » Alors, Père, glorifie ton nom. On retrouve ce passage en Jean 12, 27-28. Il y a un temps pour la délivrance, il y a un temps pour ne pas l'être. Élisabeth Cathèse a écrit « La goutte de fiel doit être mêlée à tous les calices ». Fin de citation. La mort est le chemin vers Dieu, mais la foi fait marcher au milieu du feu sans en prendre l'odeur. Méditez ces courtes phrases. La vie chrétienne est une longue perte et la sanctification une longue crucifixion. Mais ayons bon courage. Entre les épreuves, il y a les périodes de consolation. Il n'y a jamais rien qui dure toujours. Saint Grégoire a écrit « Les maux qui nous affligent ici-bas nous portent vers Dieu et nous contraignent à nous attacher qu'à lui. » En effet, nous sommes sur cette terre pour être éprouvés par des choses que nous ne pouvons pas changer. Les choses que nous aimons et que nous perdons sur la terre doivent nous porter à nous en détacher et à nous attacher qu'aux choses du ciel. Les choses éternelles ne dévoilent leur importance que lorsque les matériels commencent à s'écrouler autour de nous. L'homme naturel est maintenu prisonnier de son monde horizontal. Le voile de notre aveuglement ne peut pas se lever. Il doit être déchiré par les adversités et les contrariétés de la vie. Alors seulement l'homme prend conscience de la dimension spirituelle verticale de son existence. Le cœur s'agrandit quand il se déchire. Cela est vrai aussi pour l'incroyant. C'est généralement à ce moment-là que le Christ se présente à lui comme sauveur et que sa rééducation doit commencer. Nous sommes dans la rééducation de Dieu. Chaque fois, par exemple, que notre confiance est trompée par les hommes sur la terre, plus notre confiance en Dieu augmente. Également, la vie possède une façon bien à elle de nous imposer des décisions que nous n'aurions jamais prises par liberté. Dieu nous conduit en tout. Dieu permet à la souffrance de changer notre échelle des valeurs. C'est ce que j'entends par rééducation. Je visitais une église un jour. Il s'y trouvait un homme dans la jeune trentaine qui, suite à une maladie, perdait maintenant tous ses cheveux. Dans sa détresse, il priait Dieu de lui redonner ses cheveux et tout le monde priait avec lui de cette façon. Mais, comme vous le devinez probablement, ses cheveux n'ont jamais repoussé. Mais ils lui seront tous redonnés au retour du Seigneur. Voyez-vous, à défaut de comprendre l'œuvre de la croix, le chrétien se jette dans les pires désespoirs. Le Père Matthéo a écrit « Prends avec joie ce que Jésus te donne et donne avec joie ce que Jésus te prend. » C'est l'un des conseils les plus sages que vous n'aurez jamais. Comme je l'ai dit plus haut, toutes les pertes sont de bonnes pertes. Mais si nous défendons et protégeons notre chair, quand la ferons-nous mourir, mes amis? Le Père Raoul Plus a écrit « Les terrassés, voilà les vrais victorieux. » Le salut du monde appartient aux crucifiés. Quand j'étais jeune, ma mère m'envoyait à l'école, même quand j'étais malade. Je n'avais aucun repos. Dieu est pareil. Nous sommes à l'école de Dieu, que ça nous plaise ou non. Je veux parler maintenant du feu de Dieu. Qu'est-ce que le feu de Dieu? Quel est son rôle dans la vie? La terre est un lieu de purification, une sorte de purgatoire. Catherine de Gênes, au XIIe siècle, a écrit « La prison dans laquelle il me semble être, c'est le monde, et le lien qui m'y tient attaché, c'est le corps. » Fin de citation. Tout ce qui nous éprouve devient un feu. Le feu qui nous enveloppe est un feu divin. Nous apprenons, dans la biographie de Catherine de Gênes, que son âme était plongée dans le purgatoire de l'ardent amour de Dieu. Ce feu amoureux lui faisait comprendre que les âmes fidèles sont dans cette sorte de purgatoire pour se dépouiller de toute la rouille et de toutes les taches du péché. Ce que nous acceptons de purifier dans la vie présente ne le sera pas dans l'autre, et vice-versa. Dans cette optique, je vous encourage à relire la parabole du riche et du pauvre Lazare. Un biographe de Catherine de Gênes a écrit d'elle « Abîmée dans ce feu divin, Catherine était contente de tout ce qu'il opérait en elle. Son âme éprouvait un grand contentement d'être en sa disposition où Dieu opère tout ce qui lui plaît et en la manière qui lui plaît. Au milieu de ses plus grandes souffrances, elle ne contemplait que l'opération de la bonté de Dieu envers elle. » Fin de citation. Nous avons là une femme entrée en perfection. Son point de vue doit éclairer le nôtre. La flamme de notre purgatoire personnel s'appelle la sanctification dans la Bible. La sanctification est un feu, et ce feu est constitué de toutes les formes de contrariété qui se peut nommer. Quand il n'y a plus d'irritation durant ces contrariétés, c'est que le feu a tout consumé. Cette partie de nous-mêmes qui a été brûlée est alors entrée en sainteté. Catherine de Gênes a dit encore, « Voyez l'or, plus vous le fondez, meilleur il devient. Quand il est purifié jusqu'au bout, à quelque feu que vous l'exposiez, il ne diminue plus parce qu'il n'y a que son imperfection qui se puisse consumer. Ainsi fait le feu divin dans l'âme. Dieu la tient au feu jusqu'à ce que soit consumée toute imperfection. Son être est alors en Dieu, et lorsque le Seigneur l'amène à lui de cette manière, elle reste impassible, parce qu'elle n'a plus de résistance en elle à consumer. Et si après cette complète purification, elle continuait à demeurer dans le feu, elle n'en souffrirait plus. Celui serait un feu d'amour sans aucune contrariété. » Fin de citation. Je me rappelle quand j'étais jeune, quand j'étais adolescent, que je n'étais pas encore chrétien. La vie me brûlait de toutes parts. J'étais dans une rage continuelle qui frôlait même la folie. Il y a 7 échelons jusqu'à la perfection de l'abandon au Seigneur. Il y a la folie, la rage, le blasphème, l'irritation, la contrariété simple, l'indifférence, le contentement, et finalement, l'âme se perd dans le feu amoureux de la volonté de Dieu. Je n'en étais qu'à la première étape de ma sanctification. Il y a 7 échelons jusqu'à la perfection de l'abandon au Seigneur. La folie, la rage, le blasphème, l'irritation, la contrariété simple, l'indifférence, le contentement, et finalement, l'âme se perd dans le feu amoureux de la volonté de Dieu. Ces âmes, entrées en perfection, trouvent la paix et la joie derrière tout. Chaque jour, ce contentement augmente par l'influence que Dieu exerce sur ces âmes. Leur contentement grandit à mesure que l'abandon à ce feu les consume. Durant tout ce processus, la douleur ne diminue pas, elle est toujours présente, mais les âmes parfaites sont satisfaites de cette disposition de Dieu. Elles sont unies à lui en pure conformité à sa volonté. Que cette volonté soit dure ou douce, ces âmes en sont toujours contentes. Dieu se sert du feu purgatif pour rendre l'âme parfaitement nette. Les âmes parfaites ne souffrent plus de souffrir. Elles acquièrent une si grande pureté que lors même qu'elles resteraient dans ce feu, après leur purification, elles ne souffriraient plus d'y être. Catherine de Gênes a dit « Mon âme demeure en ce corps comme dans un purgatoire. Cette vue me procure grande paix et contentement. Ce contentement, toutefois, ne diminue ni la douleur ni la violence de l'attaque, mais on ne pourrait me donner de peine si extrême qui m'écarterait de la volonté divine. Je ne me séparerai pas de ma prison, ni ne chercherai à m'en séparer, jusqu'à ce que le Seigneur ait fait en moi tout ce qui sera nécessaire. Mon contentement est que Dieu soit satisfait. » Fin de citation. Le feu consomme la rouille de la chair et en même temps, l'âme se découvre à l'image divine. Plus la chair se consomme, plus l'âme se sanctifie et correspond à l'image du cœur de Dieu. La chair est l'enveloppe de l'esprit. Dieu la consomme par le feu. Et plus elle se consomme, plus aussi l'âme correspond à celle de Dieu. À mesure que l'âme s'ouvre au feu divin, plus la joie de cœur augmente. Dans les âmes parfaites naît également un feu excessivement ardent qui rejoint les feux extérieurs, le feu de l'amour de Dieu. Tous ne peuvent définitivement pas comprendre ces choses, je réalise. Il faut être dans le feu pour comprendre le feu. Il faut être dans l'intimité de Dieu pour comprendre l'intimité avec Dieu. Il faut beaucoup aimer Dieu pour aimer son feu. Les saints de Dieu se soumettent au feu de Dieu de tout leur cœur. Amen.